Non. On attend inchallah ta'ala ceux qui n'ont pas de points rouges pour me faire me donner le signal. Non. Signal de pour que l'avion décolle. Non. On attend la tour de contrôle, inchallah ta'ala. Tayyib, revenons donc, inchallah ta'ala, à notre sujet, pardon. N'y a pas une grande faveur. Il n'y a pas plus grande faveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait choisi. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous est plus grand que cela. Subhanallah, il a te choisi entre des milliards de personnes. Car il veut que tu dis. Il veut que tu profites des délices qu'il a préparés au paradis. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Il veut quoi? Il veut de toi que tu n'ailles pas en enfer. Naam. Est-ce que vous connaissez une faveur plus grande que celle-là? Car ici, dans ce bas monde, même si tu as tout l'or du monde, tu as tout l'or du monde, à quoi ça te sert si demain la fin sera l'enfer? À quoi ça me sert? C'est pour ça que quiconque va vivre, même s'il arrive à 150 ans, lorsqu'il verra les anges qui viennent lui prendre son âme, il croira qu'il n'a vécu que 5 ou 6 jours ou 10 jours. Je dis même s'il a vécu 150 ans. Naam. C'est pour ça que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de traverser ce pont. Nous sommes sur un pont. Naam. Nous sommes sur un pont et il y a la dunya à gauche et l'au-delà à droite. Et le pont au milieu, et nous sommes déjà sur le pont. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va traverser ce pont convenablement pour arriver dans l'au-delà, ou est-ce qu'on va penser seulement à la dunya qui est derrière nous, ou bien penser au pont, yani à la chose sur laquelle nous sommes maintenant? Pense. Le kafir, comme j'ai dit tout à l'heure dans le dars, il croit intelligent. D'ailleurs, chaque minute ne voudrait pas qu'elle aille dans le vide. Chaque minute, le kafir il se montre ses plaisirs. Non, mais tu profites. On ne vit. Pourquoi? Parce que le kafir ne voit pas plus loin qu'on est son âme. Un, deux, mashallah. Donc, il doit quitter ce salon aussi. Non. Donc, je disais que, alhamdoulillah, je disais que c'est le croyant qui est le vrai intelligent. Naam, je vois plus loin que mon nez. Je vois qu'est-ce qui va se passer, naam, dans des milliards d'années où je ne sais pas c'est quand le jour de la rétribution. Dès maintenant, je pense à ce jour là-bas. Je me prépare. Naam, je me prépare à ce jour. C'est pour ça que les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire aux croyants le jour du jugement dernier? Naam. Tibtum bima sabartum. Fatrouloa Khalidin. Anges, quand ils vont accueillir les croyants, ils vont rentrer au parc, leur dire Tibtum bima sabartum. Deux choses. Premièrement, Tibtum. Vous étiez minat tayyibin. C'est pas min al-khabithin. Vous n'étiez pas khabith, pervers. Naam, mal, malsain. Vous étiez tayyib, masha'Allah, comme le parfum, tayyib. Vous étiez tayyibin. Naam, il ne mangeait que les choses halal. Ne s'habillait que le halal. Ne faisait que les bonnes actions. Tibtum, masha'Allah. Ensuite, il a dit, bima sabartum. Naam, wa salamu alaykum, bima sabartum. Pour avoir patienté. Bima sabartum, pour avoir patienté. Car tout est bonne science. Si je ne veux pas patienter et freiner mes passions et faire le djihad à mon nefs, khlas, c'est l'enfer qui m'attend. Naam. Qui ne voudrait pas profiter, pas jouer, qui ne voudrait pas s'amuser, qui ne voudrait pas boire de l'alcool, qui ne voudrait pas boire de la drogue? Tout le monde veut cette chose. Parce que elle fait oublier les soucis, elle te rend courageux. Naam. Mais moi, pourquoi je fais pas cette chose? Naam. Pourquoi je la fais pas? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne la veut pas. Il déteste, il l'a et il m'a dit, ne la fais pas. Et beaucoup de choses t'attendent là-bas. Ne fais pas le haram. Beaucoup de choses, beaucoup meilleures que ces choses-là, de halal, t'attendent. Alors celui qui veut se hâter, se précipiter, qu'il se hâte. Mais qu'il ne dise pas le jour de la rétribution, ya Allah, pourquoi je n'ai rien? Ou bien ya Allah, pourquoi je vais en enfer? Naam. C'est pour ça qu'il y a une règle en arabe qui dit Man ista'jala shay'a qabla awani, uqiba bihirmani. Quiconque pour faire la chose avant son moment, alors il sera privé, disons, de la récolte de cette chose. Naam. J'ai un oranger. Juste, il commence à donner des oranges. Elles sont là, toutes petites, vertes, subhanallah al-azim. Il veut la manger. Il sera quoi? Il sera privé. La preuve, quand il va manger l'orange, il ne trouvera jamais le goût de l'orange. C'est quelque chose d'amer. C'est quelque chose d'amer, vraiment amer, parce qu'elle n'est pas arrivée en son temps, le temps de la cueillette. Mais si tu avais encore attendu un mois et demi, elle serait devenue de couleur orange, mashallah. Et elle aurait été facile à éplucher. Et elle aurait eu un goût, mashallah. Un goût, yani, tu sens vraiment que tu manges quelque chose. Tu veux te hâter, tu vas manger quelque chose d'amer. La même chose ici dans cette vie. Celui qui veut arriver là-bas, qui va arriver là-bas, c'est une question de patience. Naam. Presque tous les vers tournent autour de la croyance liée, yani la foi liée. Naam. Chaque personne est dans la... Ensuite, il a accepté. Il l'a... Sauf ceux qui ont cru. Ils ont fait des bonnes actions. Car on peut croire et faire de très mauvaises actions. Croire en Allah et en... C'est quoi? Naam. Pour entrer au paradis, pour au paradis, naam. Je me dis, il y aura à manger, je ne vais pas les voir. Naam. Malade. Je dis, ma'ali, je patiente. C'est Allah Ta'ala qui m'a donné cette maladie. Allah Ta'ala ne déteste pas ses serviteurs. Ne déteste pas. Naam. Il m'a donné cette maladie. Et je patiente. Je sais que le jugement qui était ici. En bonne santé. Il a dit le jour du jugement dernier, ceux qui étaient ici en bonne santé, ceux qui étaient dans cette vie en bonne santé, voudraient se couper avec des tenailles. Vous connaissez des tenailles? Se couper avec ces tenailles. Pourquoi? Lorsqu'ils ont vu ce que Allah Ta'ala a donné. Cadeaux, etc. Naam, à ceux qui avaient ici des problèmes et qui avaient des épreuves et qui avaient des maladies, etc. Naam, le jour du jugement dernier, celui qui était bien et n'avait aucun problème sur toute santé et verra ce que Allah Ta'ala donnera à ceux qui ont patienté, il dira, oh, si je pouvais revenir sur terre et yani, être tout déchiré, être tout yani, déchiqueté, être malade, avoir les récompenses qu'ont eues ces gens-là aujourd'hui. Ils m'ont vraiment dépassé. Naam. Ensuite, celui qui veut rentrer au paradis, il faut qu'il patiente. Car quoi? Il patiente. Question de passion et de passion. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce bas monde, naam, il est entouré de quoi? Entouré de tentations. Ta'ala nous a beaucoup de tentations qui sont halal. Naam. Soit haram et quelque chose en contrepartie, naam, pour que tu patientes. Il n'y a pas quelque chose. Allah Ta'ala ne t'a pas en contrepartie pour que tu partes. Maintenant, celui qui ne veut pas patienter, il est libre. Non, il choisit. Il dit, moi, au maximum, ce bar, je ne suis pas très intéressé par l'au-delà. Il est libre. Bien au contraire. Allah Ta'ala va l'aider. Comment qu'il va faire pour l'aider? Il va laisser les shayatins des ins et des djinns, qui vont l'entourer pour l'égarer. Tu as voulu ce chemin, tu l'as choisi. Yani avec Naam, tu as médité, tu as dit j'aime ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, comme il a dit dans le Coran. Nous lui faciliterons yani l'usra, c'est le jahannam, et le chemin, le mauvais chemin. Naam. Donc, celui qui veut seulement ce bas monde, il est libre. C'est une question de choix. Tu choisis, c'est tout. Tu dis, Allah Ta'ala m'a dit, si tu ne manges pas cette chose ici, tu la mangeras là-bas en mieux. Si tu ne bois pas cette chose ici, tu la boiras là-bas. Si tu ne t'habilles pas ici avec cette chose, tu t'habilleras là-bas en mieux. Mais si tu ne veux pas, tu veux faire le contraire, tu perdras. Il y a deux choses. Premièrement, tu seras châtié le jour où tu me rencontreras. Et deuxièmement, tu seras privé que tu as déjà pris ta part d'elle. Naam, cette chose, classe, tu as pris ta part d'elle. Maintenant, c'est la part à ceux qui ont été privés en cette vie. Ceux qui, yani, n'ont pas bu et n'ont pas mangé, par exemple, dans les récipients d'or. Maintenant, c'est leur jour, manger et boire dans des récipients d'or. Pour les hommes qui n'ont pas mis la soie, c'est leur jour. Ils vont être habillés en soie. Naam. Pour les hommes et les femmes qui n'ont pas bu l'alcool, aujourd'hui, c'est le de l'alcool. Naam, au paradis, c'est le jour de l'alcool. Et ceux qui ont bu, on va leur dire, vous avez pris votre part dans la dunya. C'est terminé. Vous ne pouvez pas être injuste et prendre deux fois. Prendre là-bas et ici. Alors que ceux-là, mes serviteurs n'ont pas pris là-bas. C'est leur jour aujourd'hui. Naam. Maintenant, pleure ou bien tire-toi les cheveux. Ou là, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu savais toute cette chose. Tu savais toutes ces choses. Et tu faisais, yani, tu contrais sciemment. Tu savais que c'était haram. Mais tu disais, je m'en fous. Laisse-moi vivre aujourd'hui. Et de... Naam. Donc je disais, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait guidés, et en plus de cela, il nous a mis sur le droit chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Naam, je dis cela, car si vous voyez combien qu'il y a de musulmans égarés, vous vous étonneriez. Et vous savez sans doute, inshallah ta'ala, c'est pas moi qui vais vous apprendre cette chose. Avec eux, les égarés des musulmans est plus nombreux que le nombre de ceux qui sont guidés. A dit cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que ma nation se divisera en 73 sectes. 72 iront en enfer. Naam. Et Allah a un seul groupe qui s'appelle le groupe sauvé, le Sunna ou le Jama'a, qui iront au paradis. Les 72 autres, le Mu'tazila, les Shia, les Khawakfiriyoun, tout ça, Inch'Allah ta'ala, comme a dit le prophète, il a dit, ce seront les chiens de l'enfer. Naam, les Kharijites, les chiens de l'enfer. Pourquoi? Ils passent leur temps à insulter les ulama et à quoi? Et à dire que tout le monde est kafir. Tout le monde est kafir, sauf nous. Sauf nous, naam, qui serons des musulmans et qui seront au jour du jugement dernier avec les messagers et les vertueux et les martyrs. Naam, est-ce que vous serez en enfer? Et qui ne peut pas dire cette chose? Est-ce que le juif, c'est difficile pour lui pour qu'il dise ça? Est-ce que le chrétien, le bouddhiste, c'est difficile pour qu'il dise que je serai le premier au paradis? Naam, c'est pas difficile. C'est très facile, tout le monde peut dire cela. Mais où est le dalil? Naam, où est le dalil que je suis sur le vrai chemin ou le faux? Le dalil est très simple. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Si tu ne sais pas si tu es sur le vrai chemin ou le faux, et tu ne peux pas savoir, parce que tu n'as pas de science, j'ai pas de science. Alors qui peut savoir? Peut le savoir les montants de science. Peut le savoir Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, le Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh al-Albani, et Cheikh al-Haydan et Cheikh al-Fawzan. Seulement ceux-là, les grandes montagnes qui peuvent savoir et te guider. Toi, moi, on est dans un tunnel dans l'obscurité. Certains ont des salles, ils font le prêche, ils étudient. Vous connaissez ça? Certains n'ont jamais étudié. Et ils disent dans leur salle, ils disent on n'a jamais étudié. On ne connaît pas ce que c'est, on ne fait pas la différence entre un verset et quoi? Et un hadith. Tu dis qu'est-ce que ça veut dire hadith mursal? Tu dis, oh là, je sais, c'est quoi mu'adal? Oh là, je sais pas. C'est quoi munkar? C'est quoi chaise? Il te dit, oh là, je sais pas, j'ai pas fait des études. Subhanallah, tu n'as pas fait des études et tu peux dire que X est kafir. Kafir, là. Regardez, quand tu te trompes de main, Allah subhanahu wa ta'ala, une personne est kafir. Une personne s'appelle, par exemple, Bush. Est-ce que tu as des doutes qu'il peut-être il est musulman? Ça, si tu te trompes, tu te trompes. Musulman. Tu t'es trompé, tu l'as vu construire une mosquée. Et musulman, tu dis de lui, il est kafir. C'est très grave. Très, très, très, très grave. Que tu dises. Et cette personne est devenue kafir. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. من قال لي أخي ce hadith dans Sahih al-Jami' نعم il a dit أنا كذلك هو الكافر c'est pas dans l'autre hadith qui dit non il a dit وإلا هو celui qui a dit toi tu es كافر il devient pourquoi ce que pour dire que quelqu'un est كافر il faut être que tu saches. Non, pour que tu saches, quelqu'un, écoutez, quelqu'un, dans la bataille, subhanallah, c'est la bataille, dans la guerre sainte, les mécréants sont en face de toi. Les mécréants, les mécréants, parce que lui, c'est un mécréant, il est en face de moi, il me fait la guerre. Quelqu'un, lorsqu'il a levé l'épée pour frapper le mécréant, qu'a dit le mécréant? Il l'a tué. Il l'a tué. Ensuite, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non seulement tu n'as pas accepté ce qu'il a dit, mais tu n'as pas ouvert son cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Naam, il a dit, ni tu as ouvert son cœur pour savoir s'il mentait ou ne mentait pas, ni tu as accepté de lui quand il a dit la ilaha illallah. Naam. On l'a enterré et la terre l'a rejeté. Ensuite, on l'a enterré la deuxième fois. On a dit peut-être que des gens l'ont fait sortir de la tombe et l'a tué. Ensuite, on l'a enterré la troisième fois. On a dit peut-être les enfants ne l'ont pas bien bien surveillés car ils ont laissé les enfants surveiller. Alors maintenant, ce sont les hommes qui sont allés voir. La terre l'a rejeté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris ça, il leur a dit, la terre accepte plus criminel ou le plus maloula que celui-là. Naam, que cette chose. Mais c'est pour vous montrer qu'elle hérite de la ilaha illallah. Hadith authentique, apporté par Cheikh Al-Albani. Naam. Naam. Pour vous montrer qu'un dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et tu ne veux pas accepter de lui qu'il soit kafir pour toi, alors ce jour-là, attends-toi demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu lui répondras? Naam. Comment tu lui répondras? Et lorsqu'il te dira, qui t'a, naam, qui t'a donné la permission de parler dans ces choses? Toi, tu es rentré dans les cœurs des gens. Naam, tu es rentré dans. Tu l'as entendu dire, La ilaha illa Muhammad Rasulullah. Tu l'as vu, peut-être qu'il faisait la prière plus que toi, il jeûnait plus que toi. Naam, il faisait des choses que tu ne savais pas. Qui t'a dit de le rendre kafir? Naam, et le prophète, Illa antarauna kufran bawahan. Il faut que vous voyez un coffre très clair, comme le soleil. Quand je vois le soleil, je jure par Allah que c'est le soleil et que ce n'est pas une étoile. Je le vois, il est jaune. Tout le monde peut, avec moi, certifier cette chose. Dans ce cas, je peux dire cette personne est kafir. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait le coffre et quelqu'un qui est kafir. Plusieurs gens font le coffre sans le savoir. Plusieurs gens. Naam. Celui qui a dit dans ses doigts, Ya Allah, en faisant les doigts, il était tellement content, il a dit quoi? Il a dit, Oh Allah, Anta abdi, tu es mon serviteur, wa ana rabbuk, et je suis ton Seigneur. Naam. Quand on entend quelqu'un dire une chose pareille, j'entends une personne. Toi, dira Allah, tu es mon serviteur et moi je suis ton Seigneur. Il a dit quelque chose de pauvre que cela. Mais est-ce qu'il est devenu kafir? Je demande d'abord, pourquoi avez-vous dit cette phrase? Il va me dire, Wallah, je n'ai pas fait attention. J'étais tellement content, j'ai retrouvé ma chamelle, comme dans le hadith, que j'ai dit cette chose. Naam. Quand Moussa alayhi salam, Moussa, Nabi, Moussa, Nabi wa Rasoul, a jeté la Torah. Il s'est énervé, il a jeté la Torah. Imagine, tu t'énerves, tu jettes le Coran qui est sur ta main. Tu frappes avec la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose de grave ou ce n'est pas grave? Jeter le Coran, jeter la Torah, c'est quelque chose de très grave. Est-ce que Moussa alayhi salam, c'est un kafir? Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa alqa al-alwah, il a jeté les psaumes. Est-ce que Moussa alayhi salam, c'est un kafir? Je suis sûr que les takfiriyoun, peut-être ils disent c'est un kafir. Ce n'est pas étonnant. Qui ose Moussa, c'est un kafir. D'ailleurs, je me rétracte même à quoi? C'est besoin de penser dans un état où il ne pouvait plus se contenir. Un état d'énervement où, des fois, on n'est pas ce qu'on dit. Naam. Le jour du jugement dernier, lorsque Allah Ta'ala va au paradis, la dernière partie, il dit Ta'ala va au paradis. Lorsque il trouve le paradis, il revient au paradis deux fois. Il dit complet, il revient. La troisième, a dit dans le Bukhari, dans une autre version, tu t'imagines, Allah Ta'ala, on lui dit tu te moques de moi. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait quand cette personne lui dit tu te moques de moi? Il a ri. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rapporté ce ensuite, il Rasulullah, il a rapporté Sahiha qui est dans le trois fois on me dit je trouve complet, ça y est, je perds, c'est plus ce que je dis, très énervé. Je reviens à ce que je dis. On doit beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous écoute. Quoi? Qui nous aiguille. Un avantage sur toutes les autres sectes. Quel avantage tu as? L'avantage de suivre les ulama. Allah Ta'ala t'a dit, il a dit suivez les ulama. Ils sont trompés, ils t'ont trompé. Le jour du jugement d'Allah, suivre les ulama. C'est eux qui m'ont dit cette chose et cette chose. Ah, moi je dis pas bête. Si tu fais pas cette chose, il est kafir. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Toi, tu as l'excuse de quoi? D'avoir suivi les ulama. D'avoir suivi le. Qui t'a dit quoi? Il t'a dit suivi les ulama. Là, je n'ai pas de ma tête. Ensuite, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que comme j'ai dit, puisque maintenant il y a 72 sectes, il y a une seule secte et échappera, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette secte, chaque va dire c'est moi le groupe sauvé. Rentrer dans n'importe quelle salle, même les chiites, ils vont te dire c'est nous, la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne connaissent pas, peut-être un verset, ce n'est pas un hadith. Un verset, si vous voyez ou vous entendiez un jour, comme j'ai entendu moi, la salat, la prière du shaitan qui se trouve au Liban. Comment il s'appelle déjà? Celui qui s'appelle Nasrallah. Les ulama l'appellent Nasrallah. Nasrallah, la statue, il défend. On parle là. Comment il fait la prière? Vous êtes, une fois on l'a avancé pour faire la prière, il guide les gens. Wallah al-Ali al-Azim, qui ne connaît pas sur le Fatiha. Pourquoi des doigts comme la salat? Allah Akbar, Allah kada, bada, Ali kada, kada, Ar-Rahman, n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. Hada, il dit je suis de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La descendance min shaitan rajim. Voir que le vrai ou dans le faux. Si tu veux savoir, est-ce que tu es dans le vrai ou dans le faux? Tout le monde peut être égaré et dire je suis dans le vrai. Shaitan il vient et me dit tu es mashallah. Comme il doit dire au Shia, il doit dire au Mu'tazil. Dû dire à tout le monde, tu es mashallah. Il faut que je dise attention, shaitan. Peut-être que tu es en train de jouer de moi. Non, il faut que je vois si je suis dans le vrai ou pas. Qu'est-ce que je fais alors? C'est quoi? C'est quoi la balance? Comment tu vas savoir? Tu vas allumer la télé et regarder le journal télévisé? On va te dire, yani, si tu es un sunnah ou jama, c'est pas ça. Alors où se trouve. On se trouve est-ce que tu es sur le bien tu es leurs adversaires Naam. Dans quel chemin tu es de leurs adversaires ensuite les grands ulama tant à quoi à apprendre l'islam. Est-ce que moi je suis en train de les suivre ou bien je suis en train de suivre des gens qui n'ont pas de science? Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith long, sa fin il a dit qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ulama, alors les gens vont prendre des juhal et ils vont quoi? Et ils vont les questionner et les juhal bien sûr vont leur répondre faux et ils vont les égarer. Ils seront eux-mêmes égarés et ils égareront les autres. Naam. Moi, par exemple, j'ai plus de science que Sheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Plus de science Possible. Non. Comment se fait-il que lui, subhanallah al-azim, comment se fait-il que lui, yani, n'ait pas dit ce que disent maintenant les takfiriyons et les autres, etc. Comment se fait-il? Connaissent mieux que lui cela? Où ont-ils étudié? Non. L'ilm, la science, c'est quelque chose de visible. On ne dit pas comme les soufis, c'est quelque chose dans le cœur. On dit non, tu mens. La science, montre-la-moi. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لَنَا. Dites si vous avez de la science, alors sortez pour moi la science. Si quelqu'un est savant, il doit écrire des livres, faire des cartes d'oros. Voilà quelqu'un de savant. Mais ce n'est pas le savant celui qui reste enfermé dans une chambre et on dit celui-là c'est un grand savant. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il ne montre à personne. S'il avait quelque chose, il l'aurait fait sortir. Il l'aurait montré. Ça serait vu dans ses livres écrits. Ça se voit, ça ne peut pas se cacher. Naam. Tu as l'avantage de quoi? Alors ceux-là, ceux qui sont contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de couper les liens entre qui? Entre les musulmans, entre les croyants et entre les ulamas. Ils te disent, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Albani, kafir, kafir. Toi tu vas dire, subhanallah al-azim, puis ce sont des kuffars. Donc je ne vais pas leur entendre. C'est interdit, ce sont des kuffars. Donc, il n'y a plus de ulama. Et quand il n'y a plus de ulama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois suivre cette personne elle-même qui t'a dit kafir. Parce que c'est la seule personne qui n'est pas kafir. Tout le monde est kafir, sauf cette personne. Donc cette personne, tu es obligé de la suivre. Tous les autres sont kuffars, comment je fais? Donc, tu vas laisser Cheikh Ibn Uthaymeen la montre pour écouter quelqu'un qui n'a jamais peut-être été à l'école. S'il a été à l'école, peut-être qu'il n'a jamais dépassé le cours moyen 1 ou le cours moyen 2. Celui-là, il va te dire, Naam, c'est moi le grand alam. Il ne va pas dire comme ça, mais puisqu'il n'y a plus de ulama, ce sont tous des kuffars, et puisque c'est moi le seul musulman, le croyant, qui va au paradis avec les martyrs et les messagers, donc c'est moi que tu dois suivre. Et, comme a dit le prophète, ils vont t'égarer, un égarement, yani, qui n'aura pas de fin. Naam. Car, des signes, je te donne quelques signes, c'est tout. Le musulman, yani, le croyant est intelligent. Des signes qui montrent qu'ils sont dans le faux. Premier. Du savon jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savon. Les gens prendront, qui seront questionnés, qui répondront sans aucune science. Alors ici, garant, sahih, Bukhari ou Muslim. Naam, comme j'ai dit tout à l'heure, alhamdulillah. Je disais que parmi les grands délits, naam, parmi les grands signes, qu'ils sont dans le faux. Naam, jamais, au grand jamais, dans leur salle, tu n'apprends le din. Naam. Pourquoi? Du matin au soir, on reste 24 heures, il n'y a personne qui m'a appris un verset ou un hadith, ou comment je fais des ablutions, ou comment je me purifie des menstrues, ou comment je vais au hajj, ou comme personne. Et jamais, au grand jamais. Est-ce que, sallallahu alayhi wa sallam, n'apprenait-il pas aux gens chaque jour des centaines de hadiths? Naam. N'apprenait-il pas aux gens la aqida, qui est la plus importante? Et moi, je rentre dans une salle, je n'apprends jamais. Du matin au soir, j'apprends que X seulement, c'est tout. Naam, à quoi ça me sert? Classe, X est et tout le monde est tarot. Ensuite, maintenant, tout avec toi. Et après, apprends-moi maintenant le din. Classe, tout le monde est tarot. Apprenons le din, montre-moi le din. La aqida, montre-moi le fiqh, moi la jurisprudence. Jamais il n'y a cela. La réponse est très simple. Parce que celui qui il ne peut pas te la donner, celui qui n'a pas la chose, est-ce que moi, qui n'ai jamais, par exemple, je n'ai jamais, par exemple, étudié les mathématiques, est-ce que je peux maintenant vous faire un dars sur les mathématiques? Possible. Je vais vous dire 1 plus 1 égale 50. Non, j'ai jamais étudié cette chose. Par 2 égale 104. Non, c'est comme ça. Je n'ai jamais appris. 4 fois 4, 22. Et comme ça. Donc celui qui ne connaît pas la chose, il ne peut pas te la donner. Que ils te feront l'os. Ils te feront jamais de douloureux. Le deuxième grand signe qui montre que, alhamdoulilah, qu'ils ne sont pas dans le vrai chemin, c'est que du matin au soir, ils parlent de djihad, mais ne vont pas au djihad. C'est ça le plus malheureux. Du matin au soir, ils partent. Mais ils sont là, en plein Paris, en plein Marseille, en plein Londres, en train de vivre avec les koffars, de manger leur manger, de ceci, cela. Alors que c'est très très grave. Demain, chez Allah subhanahu wa ta'ala, pour une personne qui a attesté dans son cœur qu'on est dans un moment de djihad et qui ne part pas au djihad. Très grave, très très grave. Celui qui n'a pas attesté, n'a pas été convaincu dans son cœur, il a des excuses. Ça, je reconnais que le djihad existe, mais je ne suis pas convaincu, par exemple, que c'est maintenant aujourd'hui. Parce que les ulama n'ont pas encore parlé. Mais quelqu'un qui dit, c'est le djihad, c'est le grand djihad, quiconque ne fait pas le djihad, c'est un kafir, c'est un taout. Ensuite, lui, il ne part pas. Ça, c'est très grave demain chez Allah Ta'ala. Comme il a dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Allah Ta'ala a dit. Et Allah dit, Namanou, lima taquloun ma la taf'aloun. Ou vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan inda Allah an taquloun ma la taf'aloun. Il n'y a pas plus grand péché chez Allah que vous disiez. Non, tu dis pas. Que tu ne fais pas, pardon. Non, tu es convaincu par le djihad. Wallahi l'azim. Le Seigneur exalté soit-il. Que quelqu'un m'a dit, que quelqu'un m'a dit, j'ai dit à ceux-là, ceux-là, vous les connaissez qui? À l'un d'eux, je te paye le billet d'avion, c'est moi qui te paye. Pour que tu ailles dans l'autre pays faire étudier que c'est obligatoire de notre temps. Et il a dit non, je pars pas. Subhanallah, c'est moi qui te paye le billet. Le billet, c'est pas toi qui le paye. Va faire le djihad qui est obligatoire. Et quiconque le fait pas, c'est un kafir. Va le faire, c'est moi qui t'aide. Il dit non, je pars pas. Je vais pas. Non. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Yes'alouna an anba'ikum, walou kanu fikum ma qatalu illa qalila. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il demande de vous nous qui partaient à la guerre, qui partaient, comme a parti le prophète et ses compagnons, ils partaient faire la guerre sainte. D'autres ne partaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, où en êtes-vous? Combien avez-vous tué l'âme? Combien avez-vous blessé? Ils demandent vos nouvelles. Mais, quoi? Il a dit, mais s'ils étaient avec vous, ils n'auraient jamais fait quelque chose. Naam, ils parlent de loin. Ils parlent, ils sont tous derrière un ordinateur avec une tasse de café. Naam, ils sont derrière. Les gens qui beaucoup croient que dans cette salle et que rien ne se passe. La police, les inspecteurs, les commissaires, l'armée, la DST, tout ça, tout cela sont en train de dormir. Tout cela, ils ne savent pas que X, Y et Z sont toujours dans la salle et que c'est de, yani, de, comment dirais-je, yani, ils se mettent entre le directeur du palam, il leur donne quoi? La police leur donne les pseudos. Je donne un exemple parmi Youssouf, l'imam, bin Salafia, Taha, Firdaus, Kada. Et l'autre, le directeur du Patok, il te donne directement l'ITP, ton numéro, comment il s'appelle la DAC, de ton quoi? Ton laptop ou là, de ton PC. Et 5 minutes après, il est chez toi à la maison, il frappe à la porte. Il te dit renseignements généraux, suivez-moi. Vous croyez que ça c'est difficile? On l'a fait à quelqu'un, à nous, à Blida où il habite. Regardez Blida. Blida, c'est quoi par rapport à Paris ou là? En Algérie, ils ont des choses pareilles. La technologie, il était destiné à frapper à la porte. On lui dit sécurité militaire, suivez-nous. Pourquoi? Parce qu'il jouait dans des choses avec l'ordinateur. Il croit qu'il est loin, personne ne sait ce qui se passe. Alors celui-là, subhanallah, Le chfirin, il est sur le paltok. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il dit, je marche en plein, je ne sais pas, il a cité là, c'est pas, en plein France, je marche avec le tri militaire. Subhanallah al-Azim. La barbe, il a dit, j'ai une grande barbe, je suis grande de taille, tout le monde a peur de moi. Je marche avec le tri militaire. Il a dit, je saute d'un trottoir. Subhanallah al-Azim. Il sort d'un trottoir à l'autre. Peut-être que j'ajoute, et il n'a pas dit j'ajoute. Peut-être qu'il lève la main en même temps, le doigt, et tire au ciel. Ta, ta, ta, comme ça en plein Paris. Et les gens, et la sécurité, et la police sont en train de voir et même de l'applaudir. Masha'Allah, tu es Masha'Allah. Tu sautes et tu tires comme ça dans le ciel peut-être. Masha'Allah. Ils sont en train de dormir. Ils sont drogués de la sécurité. Ils sont en train de dormir. Elle ne sait pas ce qui se passe dans l'ordinateur. Et on vient comme ça, on écrit sur Paltok, djihad, djihad de France. Les djihad, les Ansar Tawhid et le djihad de France. Et les autres sont en train de dormir, ils les laissent. Masha'Allah, Masha'Allah, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim. Alors là, ce n'est plus une police AD, ni une DST, ni rien. S'ils ne peuvent pas savoir qui est dans la salle, et de laisser parler, alors là, c'est vraiment grave. Ah, pardon, ils ne pas le laisser parler, ils ne peuvent pas, alors là, c'est vraiment grave. Les masakis sont dans la salle, ils ne savent pas, les pauvres, que Yanni viendra au pied du mur. Tard que 10 jours, c'est tout, ou 12 jours. Parce que moi, on me raconte des choses qu'on ne vous raconte pas. De qui était des leurs, qui était des leurs, a été convoqué par la RG. C'est mon Géronam. On lui a donné tous les détails. On lui a dit, toi, voilà ce que tu fais, voilà ceci, voilà cela. Vous voyez qu'on dort, hein? Voilà. Marqué. Naam. Il a dit, moi, j'ai pas peur de vous. C'est là, je lui ai dit, naam, indique le haq. Maintenant que tu es El Sunna ou Jama'a, tu n'as pas peur. Tu es sur le vrai chemin. Naam, sunna ou jama'a. Mais ce qui est grave, c'est dans l'erreur. Naam, mourir dans l'erreur. Ou bien être emprisonné dans l'erreur. Quelqu'un qui est dans le juste chemin. S'il meurt, qui peut être mieux que emprisonné. Cheikh l'islam, il a passé sa vie dans la prison. Il est mort. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on est dans l'erreur. Et qu'on est en prison. C'est ça ce qui est grave. Je demande l'aide et nos cœurs et qu'il nous aide pour qu'on ne soit pas atteint par le virus. Qu'il nous aide. Il nous aide avec quoi? Non. Non, il faut être vraiment naïf. Non. Pour me laisser moi, on me laisse dire comme ça dans une salle. Il faut vraiment être naïf. Hein? Il est louche, c'est très très louche. Naam. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Une fois, moi seulement, j'ai ouvert une petite salle, un petit salon. Naam. Quelqu'un est rentré dans la salle, il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez des chrétiens? Des chrétiens, qu'est-ce que vous pensez des chrétiens? J'ai dit, Yanni, bien sûr. Je n'avais pas assez d'intelligence. Et j'ai dit, les chrétiens, il faut dire la vérité, Annie, ils sont dans l'erreur, il y a seul l'islam qui compte. Ils sont faux, ils disent que Jésus, c'est le fils d'Allah, etc. Ensuite, la personne est sortie. Celle qui m'a posé la question, elle est sortie. Naam. Ensuite, ma salle s'est fermée. J'ai dit, subhanallah, je n'ai pas fermé. On me dit, cette salle n'existe pas. Cette salle n'existe pas. Et depuis ce jour, je n'ai jamais pu rentrer dans cette salle. On me l'a enlevée. On m'a enlevé la salle et je n'ai jamais pu rentrer dans cette salle. C'est moi qui commande. C'est celui qui possède le paletot ou qui possède qui commande. C'est pas moi. Alors on laisse une salle pareille sans la fermer. On peut pas la fermer de dehors. Moi, fermer la salle. Si on laisse une personne comme ça, ça veut dire attention, tiens-toi bien. Le jour où tu vas avoir des problèmes. Et moi, je vous cacherai pas. Quand quelqu'un commence à avoir des problèmes, ça n'en finit jamais. Non, quand quelqu'un commence à avoir des problèmes d'enseignement et la sécurité, ça ne finit jamais. Lorsqu'on te rentre dans ta tombe, il y a quelqu'un qui vient faire un PV. Bon, voilà, il marque, il est rentré dans la tombe. C'est peut-être là que ça se passe. Et s'il pouvait même, il viendrait chaque semaine t'appeler, te convoquer pour être sûr qu'est-ce que tu es en train de faire, ou avec qui tu marches, avec qui tu parles, etc. C'est-à-dire que là, quand on est naam, mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, qu'ils éloignent de nous ces gens naam, qui, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, il a dit da'una ahl al-awthan al-islam. Le prophète de qu'est-ce qu'il a dit, il a dit il laisse les gens des l'awthan, je ne sais pas comment on dit, ceux qui adorent les statues, etc. Il les laisse, il ne les tue pas. Wa yaqtuluna ahl al-islam, et il tue les gens de l'islam. Naam, les gens qui adorent les statues, c'est-à-dire les... au temps de Ali ibn Abi Talib, qu'ont fait les Khawarij? Ils n'ont pas été tués les kuffars, la clique de Abu Jahl, ses enfants. Pourquoi ils ont tué Ali ibn Abi Talib et les compagnons? Car le prophète Islam a dit, il laisse les gens de l'islam, des autan, il laisse les gens des statues et il tue les musulmans. Naam. Ensuite, naam, ils n'ont aucun grand savant avec eux. C'est ça le plus grand délire. C'est ça. Est-ce que s'ils étaient dans le vrai échappé à Cheikh Al-Albani, Al-Fawzan, ça aurait échappé à Cheikh Baz de ce sentier, ce chemin, s'il était vrai? Naam. C'est ça l'un des grands signes. L'un des grands signes que tu as des montagnes de science qui sont entourés de toi, mashallah. Leurs livres, leurs cassettes, leurs fatawa. Les autres, ils n'ont rien. Demain, Allah Ta'ala leur dira, vous avez dit que X, X, X, X et Y sont des kuffars. Qui vous a dit ça? Vous êtes basé sur quoi? Ils ont dit, on a lu le verset, on a cru ceci, cela. On a lu tel verset, on a cru que c'était kafir. Naam. Comme, Naam, Abdullah ibn Abbas est allé les voir, il y a la moitié qui sont revenus. Parce que pour la première fois, ils ont entendu le Ain. Ils ont entendu Abdullah. Abdullah ibn Abbas, jamais auparavant ils n'ont entendu le Ain. Donc, fait Allah Ta'ala, ils croyaient qu'ils avaient le Ain, mais quand ils ont entendu Abdullah, auquel le prophète sur cela, bien sûr, ils ne peuvent pas revenir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je te donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro dans ta salle. Fadlan, Inch'Allah Ta'ala. Pardon, Ibn al-Qayyim, juste une chose que je viens de me rappeler. Dis mon numéro 1 si tu m'entends. Naam. Je voudrais dire à mes frères et mes sœurs que si vous voulez, yani, être de Al-Sunnah, alors il dit deux choses. La première, ne jamais, jamais, jamais, jamais, jamais oublier ça. Jamais revenir, il a dit là. Et ils vont le suivre. Naam. Tout le monde connaît Messie Dajjal, le faux prophète, ou là comment il s'appelle, le faux Messie. Nous connaissons tous, et yani, quelle est sa description. Mais, si jamais demain tu entends qu'il est sorti de l'Iran ou là, et qu'il se trouve là-bas, ne dis pas je vais le voir par curiosité, juste pour le filmer, pour ceci. Non. Reste dans la maison et ferme la porte. Si tu as une serrure, achète la deuxième, la troisième, pour sûr que tu ne sortes pas de la maison. Mais au risque d'aller là-bas, ensuite, il y a des choubouhettes qui vont rentrer dans ton cœur. Tu vas dire, subhanallah, est-il possible que... Alors qu'il y a des millions qui le suivent. Subhanallah al-Azim. Comment il a fait descendre la pluie? Seul Allah Ta'ala a fait descendre la pluie. Subhanallah al-Azim. Il vient de tuer quelqu'un, il lui a dit, lève-toi, il s'est levé. Oh! Il n'y a qu'Allah qui puisse faire cela. Et voilà que maintenant, tu ne vas pas tarder à le suivre. Là, si tu es déjà convaincu. Mais si tu restes à la maison, fermer la porte avec les trois serrures et commencer à faire des doigts, Ya Allah, aidez-moi, le Messie Dajjal est sorti, Ya Allah, aidez-moi, je vais lire sourate Al-Kahf, les 10 premiers versets ou bien les 10 derniers versets. Comme a dit le prophète sallam, là, idnillah, tu seras sauvé. C'est Allah Ta'ala qui t'a promis quoi? Solution juridique de l'islam. La solution, c'est 10 versets. Dajjal. On est dans leur salle, tu n'as pas de science. Tu n'as pas de science. Tu vas entendre des choses, mais tu ne connais pas quel est leur anti. Naam. Ils vont te donner un verset, mais tu ne connais pas qu'on a quelqu'un qui utilise ce verset dans le faux. Naam. Dites, mais tu ne sais pas, toi, par exemple, que le hadith est faible, ou que le hadith a été abrogé. Ou que le hadith, c'est pas comme ça son sens, c'est un autre sens. Et comme ça. Subhanallah al-Azim. Naam. Et puis toi, si tu veux parler, on te laisse pas parler. On te donne rouge. Naam. Si tu parles ce qui les convient, on te laisse parler. Dès que tu dis quelque chose qui va là, on te donne le point rouge, on te dit écoute. Il faut seulement écouter. C'est pour ça qu'une sœur, une fois, elle était là-bas dans la salle, la pauvre, elle ne sait pas. Elle était en train d'essayer de donner les dalils, etc. Dalil. Ensuite, on lui a donné le point rouge. Allez, tais-toi. Naam. Ensuite, c'est seulement lui qui parle. Ensuite, je l'ai fait par intermédiaire. On lui a enlevé le point rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, puisque vous êtes comme un âne, puisque tu es, il y a X, c'est pas la peine de l'appeler, il y a X. Puisque tu es têtu comme un âne, je te dis salam alaykoum. Elle est partie de la salle. Wallahi, comme ça. Je jure par Allah qu'elle a dit comme ça. Tu es têtu comme un âne. Regarde, moi, je sors de la salle. Je reste sale. Pareil. Allah l'azim. Naam, si têtu, il ne peut pas revenir en arrière. Khlas. C'est impossible. Ça, c'est la pas rentrer dans la salle. La deuxième des choses, c'est obligatoire aussi quoi? Toute personne qui est nouvelle dans Paltok, tu dois lui faire la da'wah et la mettre en garde. C'est une obligation pour toi. À chaque fois que tu vois un pseudo Paltok, tu lui fais la da'wah. Le frère au frère et la soeur à la soeur. Attention ma soeur, pardon, je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Alhamdoulilah, mbarak alayk, kada kada. Attention, telle salle et telle salle. Attention ma soeur, salle. Et l'autre frère. Attention mon frère, salle. Voilà, salle. Et on lui donne le lien. Da'wa palto kada. Rentre dans le lien et regarde les salles qui sont bonnes et les salles qui sont mauvaises. Naam. Au lieu que moi, je rentre dans une salle pour apprendre ce qui me rapproche d'Allah, pour apprendre ce qui me fait rentrer au paradis, pour apprendre à aimer les gens, pour apprendre, yani, à, masha'Allah, à ce que nos cœurs soient tous unis. Maintenant, je rentre dans des salles pour m'apprendre à aller en enfer, m'apprendre, naam, subhanallah, comment s'éloigner d'Allah, subhanallah. Donc, détester les musulmans, ce sont tous des kuffars. Classe. Ils sont tous des kuffars. Subhanallah, elle a dit comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Je dis, fais souvent en garde que vous avez fait sur lui avec lui en montant excommunier la majorité des musulmans et on l'appelle banque et les brinques. Subhanallah, c'est la première fois que j'entends cela. Naam, Ibn al-Qayyim, tu as des ajran, inshallah ta'ala. Tu as beaucoup de récompenses. De passer des choses par entrer aux gens, naam, pour réveiller les gens. Naam, quand quelqu'un, il est vraiment difficile de le lui enlever, sauf si Allah Ta'ala, yani, l'aide. Je connais des gens qui viennent m'attendre après, yani, que je termine les dars, qui sont atteints de virus, qui pleurent, ya shir, aidez-moi, ya shir, aidez-moi. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, moi je te montre seulement yani, où il est garmont. Naam, ya shir, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, je sais pas, est-ce que c'est faux, comment on répond, ceci, cela. Naam, des pleurs, subhanahu wa ta'ala. des hommes, pas des. Non. Si c'est une femme, la femme, elle est faible, yani, elle n'a pas de science peut-être, elle est vite yani, prise par le virus. Mais des hommes yani, qui ont peut-être étudié, etc., et ils tombent dans l'égarement. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Qayyim, je te donne, inshallah ta'ala, le micro, tafadhal. Moi qui avais l'intention à 22h, Allahu Akbar. Tafadhal, inshallah. Salam alaikum, est-ce que vous avez du son? Naam, Abu Had al-Hakim, il y a aussi un certain Oussama 19 qui a fait son apparition depuis peu de temps sur cette room où il le laisse prêcher d'ailleurs. Il est tout aussi dangereux que Salah, yani. Barakallahu fikoum, Yashir, pour ce rappel très bénéfique que vous venez de nous faire. Étant donné que je vous sens un peu fatigué dans votre voix, je ne sais pas si on va vous demander de faire une série de questions-réponses. Yani, c'est comme vous voulez, cher. Je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentez de faire une série de questions-réponses ou bien reporter cela une prochaine fois? Je vous laisse le micro. Naam, moi franchement, yani franchement, j'avais décidé que toute la semaine je ne rentre pas dans le paddock. Parce que quand je rentre, j'ai le virus et je peux plus sortir. C'est ça, moi, ma mouchkila aussi, j'ai le virus. Maintenant, il faut que vous me preniez en salle privée après pour me faire les nasiha pour que le 2 mois. Naam. Alors, mais, franchement, quand je l'ouvre et je vous vois comme ça, je peux pas partir. Non, mais je commence à parler. Hein. Et voilà que maintenant, chez moi, déjà, il est 1h30 du matin. Subhanallah, déjà, il est 1h30 du matin. C'est pour ça qu'inch'Allah ta'ala, je préfère laisser des questions, inch'Allah ta'ala, pour demain, inch'Allah ta'ala. Demain, bidna ta'ala, au lieu de faire un cours là, je préfère, inch'Allah ta'ala, parler directement, répondre à vos questions, inch'Allah ta'ala. Jazakallah khair, Ibnul Qayyim. Et mes frères et mes sœurs, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, dans le minhaj, je vous aime, inshallah ta'ala. Il est de mon devoir, c'est obligé, pour que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qui va dans l'autre sens, Allah yahdih. Celui qui va dans l'autre chemin, Allah yahdih. Tayyib, Ibn al-Qayyim, avant de quitter, il y a la sœur qui a levé. Qu'est-ce qu'il disait? Je cherche une sœur. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Attendez. Cherche une sœur, on dit le bab. Déjà celui-là, déjà le pseudo Adam ne me plaît pas. C'est pour ça que je dois déjà sortir. Je vous dis, inshallah ta'ala, rendez-vous à demain. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.